n'importe où, trop loin de nous. Tous nos rendez-vous demain sont trop loin, trop lent le temps entre nous, trop loin c'est tout. Pour que la vie